À l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, divers pays ont fait parvenir les messages et lettres de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un. Ce sont les organisations politiques et sociales, les dirigeants et les hautes personnalités des milieux politiques, sociaux, militaires et économiques de divers pays comme l'Espagne, la Mongolie, le Bangladesh, la Syrie, le Kirghizistan, l'Indonésie, l'Inde, l'Allemagne, la Russie, la Biélorussie, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Guinée, l'Ouganda, le Mexique, le Venezuela, le Canada, l'Australie et les États-Unis, ainsi que les représentants des institutions internationales, des organisations d'études, des aides du Tse et des formations d'amitié et de soutien à la réunification coréenne. Les destinataires ont indiqué que les exploits du général Kim Jong-il accomplis pour l'œuvre socialiste et la cause d'émancipation du monde seront éternels dans le cœur du peuple coréen et des autres peuples progressistes du monde. Et ils se sont exprimés convaincus de plus grands succès dans les activités du peuple coréen pour l'édification d'une puissance socialiste et la réunification indépendante et paisible du pays sous la direction clairvoyante du dirigeant suprême Kim Jong-un. Par ailleurs, le comité central du Parti du Peuple du Cambodge et le président du Parti communiste suédois ont fait parvenir les messages de félicitations au comité central du Parti du Travail de Corée.